Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font peser ce qu'ils achètent, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes à mesurer ou à peser pour les autres, trichent volontiers. Ceux-là, ne songent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un terrible jour, jour où les hommes se lèveront devant le Seigneur de l'univers? Que non, le livre des pervers sera dans ses gènes. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que ses gènes? Un livre où les noms des négateurs sont définitivement inventoriés. Malheur ce jour-là aux contradicteurs, qui tiennent pour imposture le jour de la rétribution. Or, seul l'homme pervers, livré à ses abus et à ses péchés, tient ce jour pour mensonge. Quand nos versets lui sont récités, il dit « Ce ne sont que fables d'anciens ». Que non, ce sont plutôt leurs actions qui ont voilé leur cœur. Que non, ce jour-là, ils seront eux-mêmes privés de la vision de leur Seigneur. Ils brûleront alors dans le brasier incandescent. Et il leur sera dit « Voilà ce que vous teniez pour mensonge ». Que non, le livre des vertueux sera dans El-Yun. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que El-Yun? Un livre où les noms des vertueux sont définitivement inventoriés. En seront témoins les rapprochés d'Allah. Les vertueux seront certes dans le délice. Sur des couches, ils regarderont autour d'eux. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'épanouissement dû au bien-être suprême. Il leur sera servi à boire d'un nectar cacheté. Son cachet sera de musc. Voilà un objectif pour ceux qui voudraient rivaliser de ferveur pour l'atteindre. Et ce nectar sera mélangé à l'eau de Tasnim, source dont boivent les privilégiés. Ceux qui commettaient les crimes se riaient de ceux qui avaient cru. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils les toisaient et échangeaient des clins d'œil. Et quand ils retournaient chez eux, ils retournaient l'air moqueur. Et quand ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment égarés ». Pourtant, nul ne les a chargés d'être leurs gardiens. Mais ce jour-là, ce sera ceux qui ont cru qui riront des mécréants. Étendus sur les couches, ils verront bien alors si les mécréants n'ont pas été rétribués pour ce qu'ils faisaient.